Mais je sais pas si arrêter va vraiment m'empêcher de tomber. Je vais subir le manque chaque jour et ce sans m'absenter. Le temps passe plus lentement sans souvenir, sans ma santé. Fumer moins pire que tous les alcools légalisés. Sans le tabac, la fumette est saine et bon pour la santé. De la pure bien mieux qu'un rythme à coca sans sport. Sans effort, le sport ou la poudre ou l'effort, tu le doubles. De la cesse ou du H, si je cesse, moi j'ai le choix et vite fait. De la cesse ou du H, si je cesse, moi j'ai le choix et vite fait. Laisse-moi mon addiction. Si tu ne veux pas que je parte, car plusieurs addictions. Laisse-moi mon addiction. Si tu ne veux pas que je parte, car plusieurs addictions. L'euthanasie légale, le droit de se pouvoir, ce n'est trop. Non pour la peine de mort et pour les peines de mots. La fin des cérémonies impliquant la mort d'animaux. Les discours de haine devront ne plus avoir que protection. La liberté d'expression, j'ai fait des choix, j'ai fait un son. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Oui, putain d'autrui. J'entends les mêmes discours, me faudrait-il une autre? Oui. Qui peut lire mon avenir? Qui peut lire mon avenir? Qui pourrait me convaincre? Qui pourrait me le dire que je serai beaucoup mieux sans fumer? Que je vivrai beaucoup mieux sans dire que je vais beaucoup moins subir? Que si j'arrête, ce sera moins pire. Qui peut lire mon avenir? Qui peut lire mon avenir? Qui pourrait me convaincre? Qui pourrait me le dire? Faut-il que j'arrête de fumer ou bien que j'arrête me le dire? Faut-il que j'arrête de fumer ou bien que j'arrête me le dire? L'imprévu de se revoir, un peu peur de décevoir. T'as sûrement pensé que j'allais mieux m'en sortir dans la vie. Mais je crois qu'on peut prévoir, on s'adapte sans trop se voir. T'as sûrement dansé beaucoup plus souvent quand t'étais tout petit. On n'a pas la même vie, les mêmes problèmes, les mêmes rires, les mêmes pertes, les mêmes cris, les mêmes merdes, les mêmes tirs, même rêve, même lit, même fièvre, même ami, même rêve, même envie, même mort, même envie. J'étais pas content, c'est la même vie. J'ai eu une période où je remplaçais la cigarette par les joints, quoi. Et voilà, je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai arrêté.